siècle. Et contrairement à d'autres pays impérialistes, nous n'avons jamais persécuté, nous n'avons jamais chassé, nous n'avons jamais détruit ces nationalités. C'était jamais notre idée de les faire oublier leur identité. C'est pas l'idée comme celle des Américains qui croient qu'il n'y a qu'une seule nationalité, celle des Américains. Donc chez nous, pendant nos années de l'Empire, toutes les nationalités avaient le droit de sauvegarder leur nationalité, leur tradition, leur langue, etc. Aux invasions des territoires et nos ambitions impérialistes. Afrique Média, le monde, c'est nous.